Chapitre 24. Identité des esprits. Preuve possible d'identité. Distinction des bons et des mauvais esprits. Question sur la nature et l'identité des esprits. Preuve possible d'identité. 255. La question de l'identité des esprits est une des plus controversées, même parmi les adeptes du spiritisme. C'est qu'en effet, les esprits ne nous apportent pas un acte de notoriété, et l'on sait avec quelle facilité certains d'entre eux prennent des noms d'emprunt. Aussi, après l'obsession, est-ce une des plus grandes difficultés du spiritisme pratique. Du reste, dans beaucoup de cas, l'identité absolue est une question secondaire et sans importance réelle. L'identité de l'esprit des personnages anciens est la plus difficile à constater. Souvent même, elle est impossible, et l'on en est réduit à une appréciation purement morale. On juge les esprits comme les hommes à leur langage. Si un esprit se présente sous le nom de Fénélon, par exemple, et qu'il dise des trivialités ou des puérilités, il est bien certain que ce ne peut être lui. Mais s'il ne dit que des choses dignes du caractère de Fénélon et que celui-ci ne désavouerait pas, il y a, sinon preuve matérielle, du moins toute probabilité morale que ce doit être lui. C'est dans ce cas surtout que l'identité réelle est une question d'accessoire. Du moment que l'esprit ne dit que de bonnes choses, peu importe le nom sous lequel elles sont données. On objectera sans doute que l'esprit qui prendrait un nom supposé, même pour ne dire que du bien, n'en commettrait pas moins une fraude, et dès lors ne peut être un bon esprit. C'est ici qu'il y a des délicatesses de nuances assez difficiles à saisir et que nous allons essayer de développer. 256. À mesure que les esprits se purifient et s'élèvent dans la hiérarchie, les caractères distinctifs de leur personnalité s'effacent en quelque sorte dans l'uniformité de perfection. Et cependant, ils n'en conservent pas moins leur individualité. C'est ce qui a lieu pour les esprits supérieurs et les purs esprits. Dans cette position, le nom qu'ils avaient sur la terre dans une des mille existences corporelles éphémères par lesquelles ils ont passé est une chose tout à fait insignifiante. Remarquons encore que les esprits sont attirés les uns vers les autres par la similitude de leurs qualités et qu'ils forment ainsi des groupes ou familles sympathiques. D'un autre côté, si l'on considère le nombre immense d'esprits qui, depuis l'origine des temps, doivent être arrivés dans les premiers rangs, et si on le compare avec le nombre si restreint des hommes qui ont laissé un grand nom sur la terre, on comprendra que, parmi les esprits supérieurs qui peuvent se communiquer, la plupart ne doivent pas avoir de nom pour nous. Mais, comme il nous faut des noms pour fixer nos idées, ils peuvent prendre celui du personnage connu dont la nature s'identifie le mieux avec la leur. C'est ainsi que nos anges gardiens se font connaître le plus souvent sous le nom d'un des saints que nous vénérons, et généralement sous le nom de celui pour lequel nous avons le plus de sympathie. Il suit de là que si l'ange gardien d'une personne se donne pour Saint Pierre, par exemple, il n'y a aucune preuve matérielle que ce soit précisément l'apôtre de ce nom. Ce peut être lui, comme ce peut être un esprit tout à fait inconnu, appartenant à la famille d'esprits dont Saint-Pierre fait partie. Il s'ensuit encore que, quel que soit le nom sous lequel on invoque son ange gardien, il viendra à l'appel qui lui est fait, parce qu'il est attiré par la pensée et que le nom lui est indifférent. Il en est de même toutes les fois qu'un esprit supérieur se communique spontanément sous le nom d'un personnage connu. Rien ne prouve que ce soit précisément l'esprit de ce personnage. Mais s'il ne dit rien qui démente l'élévation du caractère de ce dernier, il a présomption que c'est lui. Et dans tous les cas, on peut se dire que, si ce n'est pas lui, ce doit être un esprit du même degré, ou peut-être même envoyé par lui. En résumé, la question de nom est secondaire, le nom pouvant être considéré comme un simple indice du rang qu'occupe l'esprit dans l'échelle spirite. La position est tout autre lorsqu'un esprit d'un ordre inférieur se pare d'un nom respectable pour donner du crédit à ses paroles. Et ce cas est tellement fréquent qu'on ne saurait trop se tenir en garde contre ces sortes de substitutions. C'est à la faveur de ces noms d'emprunt et avec l'aide surtout de la fascination que certains esprits systématiques, plus orgueilleux que savants, cherchent à accréditer les idées les plus ridicules. La question de l'identité est donc, comme nous l'avons dit, à peu près indifférente quand il s'agit d'instruction générale, puisque les meilleurs esprits peuvent se substituer les uns aux autres sans que cela tire à conséquence. Les esprits supérieurs forment, pour ainsi dire, un tout collectif, dont les individualités nous sont, à peu d'exceptions près, complètement inconnues. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas leur personne, mais leur enseignement. Or, du moment que cet enseignement est bon, peu importe que celui qui le donne s'appelle Pierre ou Paul. On le juge à sa qualité et non à son enseigne. Si un vin est mauvais, ce n'est pas l'étiquette qui le rendra meilleur. Il en est autrement dans les communications intimes, parce que c'est l'individu, sa personne même, qui nous intéresse. Et c'est avec raison que, dans cette circonstance, on tient à s'assurer si l'esprit qui vient à notre appel est bien réellement celui qu'on désire. 257. L'identité est beaucoup plus facile à constater quand il s'agit d'esprits contemporains dont on connaît le caractère et les habitudes, car ce sont précisément ces habitudes dont ils n'ont pas encore eu le temps de se dépouiller par lesquelles ils se font reconnaître. Et disons tout de suite que c'est là un des signes les plus certains d'identité. L'esprit peut sans doute en donner des preuves sur la demande qui lui en est faite, mais il ne le fait toujours que si cela lui convient, et généralement cette demande le blesse. C'est pourquoi on doit l'éviter. En quittant son corps, l'esprit n'a pas dépouillé sa susceptibilité. Il se froisse de toute question ayant pour but de le mettre à l'épreuve. Il est telle question qu'on oserait lui faire s'il se présentait vivant, de peur de manquer aux convenances. Pourquoi donc aurait-on moins d'égard pour lui après sa mort? Qu'un homme se présente dans un salon en déclinant son nom, ira-t-on lui dire à brûle-pourpoint de prouver qu'il est bien un tel en exhibant ses titres sous le prétexte qu'il y a des imposteurs? Cet homme, assurément, aurait le droit de rappeler l'interrogateur aux règles du savoir-vivre. C'est ce que font les esprits en ne répondant pas ou en se retirant. Prenons un exemple pour comparaison. Supposons que l'astronome Arago, de son vivant, se fût présenté dans une maison où sa personne n'aurait pas été connue, et qu'on l'eût apostrophé ainsi. « Vous dites que vous êtes Arago? Mais comme nous ne vous connaissons pas, veuillez nous le prouver en répondant à nos questions. Résolvez tel problème d'astronomie. Dites-nous vos noms, prénoms, ceux de vos enfants, ce que vous faisiez tel jour, à telle heure, etc. » Qu'aurait-il répondu? Eh bien, comme esprit, il fera ce qu'il aurait fait de son vivant, et les autres esprits font de même. 258. Tandis que les esprits se refusent à répondre aux questions puériles et saugrenues qu'on se serait fait scrupule d'adresser à leur personne vivante, ils donnent souvent d'eux-mêmes et spontanément des preuves irrécusables de leur identité par leur caractère qui se révèle dans leur langage, par l'emploi de mots qui leur était familier, par la citation de certains faits, de particularités de leur vie, quelquefois inconnues des assistants, et dont l'exactitude a pu être vérifiée. Les preuves d'identité ressortent en outre d'une foule de circonstances imprévues qui ne se présentent pas toujours d'un premier coup, mais dans la suite des entretiens. Il convient donc de les attendre sans les provoquer, en observant avec soin toutes celles qui peuvent découler de la nature des communications, voir le fait rapporté au numéro 70. 259. Un moyen que l'on emploie quelquefois avec succès pour s'assurer de l'identité lorsque l'esprit qui se communique est suspect consiste à lui faire affirmer, au nom de Dieu Tout-Puissant, qu'il est bien celui qu'il dit être. Il arrive souvent que celui qui prend un nom usurpé recule devant un sacrilège et qu'après avoir commencé à écrire « J'affirme au nom de » il s'arrête et trace avec colère des rayes insignifiantes où brise le crayon. S'il est plus hypocrite, il élude la question par une restriction mentale en écrivant par exemple « Je vous certifie que je dis la vérité » ou bien encore « J'atteste au nom de Dieu que c'est bien moi qui vous parle, etc. » Mais il y en a qui ne sont pas si scrupuleux et qui jurent tout ce qu'on veut. L'un d'eux s'était communiqué à un médium en se disant être Dieu. Et le médium, très honoré d'une si haute faveur, n'a pas hésité à le croire. Évoqué par nous, il n'osa soutenir son imposture et dit « Je ne suis pas Dieu, mais je suis son fils. » Vous êtes donc Jésus. Cela n'est pas probable, car Jésus est trop haut placé pour employer un subterfuge. Osez donc affirmer au nom de Dieu que vous êtes le Christ. Je ne dis pas que je sois Jésus, je dis que je suis le Fils de Dieu, parce que je suis une de ses créatures. On doit conclure de là que le refus de la part d'un esprit d'affirmer son identité au nom de Dieu est toujours une preuve manifeste que le nom qu'il a pris est une imposture, mais que l'affirmation n'est qu'une présomption et non une preuve certaine. 260. On peut aussi ranger parmi les preuves d'identité la similitude de l'écriture et de la signature. Mais outre qu'il n'est pas donné à tous les médiums d'obtenir ce résultat, ce n'est pas toujours une garantie suffisante. Il y a des faussaires dans le monde des esprits comme dans celui-ci. Ce n'est donc qu'une présomption d'identité qui n'acquiert de valeur que par les circonstances qui l'accompagnent. Il en est de même de tous les signes matériels que quelques-uns donnent comme des talismans inimitables par les esprits menteurs. Pour ceux qui osent se parjurer au nom de Dieu ou contrefaire une signature, un signe matériel quelconque ne peut leur offrir un obstacle plus grand. La meilleure de toutes les preuves d'identité est dans le langage et dans les circonstances fortuites. 261. On dira sans doute que si un esprit peut imiter une signature, il peut tout aussi bien imiter le langage. Cela est vrai. Nous en avons vu qui prenaient effrontément le nom du Christ et, pour donner le change, simulaient le style évangélique et prodiguaient à tort et à travers ces mots bien connus, en vérité je vous le dis. Mais quand on étudiait l'ensemble sans prévention, quand on scrutait le fond des pensées, la portée des expressions, quand à côté de belles maximes de charité, on voyait des recommandations puériles et ridicules, il aurait fallu être fasciné pour s'y méprendre. Oui, certaines parties de la forme matérielle du langage peuvent être imitées, mais non la pensée. Jamais l'ignorance n'imitera le vrai savoir, et jamais le vice n'imitera la vraie vertu. Toujours quelque part percera le bout de l'oreille. C'est alors que le médium, ainsi que l'évocateur, ont besoin de toute leur perspicacité et de tout leur jugement pour démêler la vérité du mensonge. Ils doivent se persuader que les esprits pervers sont capables de toutes les ruses, et que plus le nom sous lequel un esprit s'annonce est élevé, plus il doit inspirer de défiance. Que deux médiums ont eu des communications apocryphes signées Jésus, Marie ou d'un saint vénéré. Distinction des bons et des mauvais esprits. 262. Si l'identité absolue des esprits est, dans beaucoup de cas, une question accessoire et sans importance, il n'en est pas de même de la distinction des bons et des mauvais esprits. Leur individualité peut nous être indifférente, leur qualité ne l'est jamais. Dans toutes les communications instructives, c'est donc sur ce point que doit se concentrer toute l'attention, parce que seul il peut nous donner la mesure de la confiance que nous pouvons accorder à l'esprit qui se manifeste, quel que soit le nom sous lequel il le fasse. L'esprit qui se manifeste est-il bon ou mauvais? À quel degré de l'échelle spirite appartient-il? Là est la question capitale. Voir Échelle spirite, Livre des esprits, numéro 100. 263. On juge les esprits, avons-nous dit, comme on juge les hommes à leur langage. Supposons qu'un homme reçoive 20 lettres de personnes qui lui sont inconnues. Au style, aux pensées, à une foule de signes enfin, il jugera celles qui sont instruites ou ignorantes, polies ou mal élevées, superficielles, profondes, frivoles, orgueilleuses, sérieuses, légères, sentimentales, etc. Il en est de même des esprits. On doit les considérer comme des correspondants qu'on n'a jamais vus et se demander ce que l'on penserait du savoir et du caractère d'un homme qui dirait ou écrirait de pareilles choses. On peut poser comme règle invariable et sans exception que le langage des esprits est toujours en raison du degré de leur élévation. Non seulement les esprits réellement supérieurs ne disent que de bonnes choses, mais ils les disent en termes qui excluent de la manière la plus absolue toute trivialité, quelque bonne que soient ces choses. Si elles sont ternies par une seule expression qui sente la bassesse, c'est un signe indubitable d'infériorité, à plus forte raison si l'ensemble de la communication blesse les convenances par sa grossièreté. Le langage décèle toujours son origine, soit par la pensée qu'il traduit, soit par sa forme. Et alors même qu'un esprit voudrait nous donner le change sur sa prétendue supériorité, il suffit de converser quelque temps avec lui pour l'apprécier. 264. La bonté et la bienveillance sont encore des attributs essentiels des esprits épurés. Ils n'ont de haine ni pour les hommes ni pour les autres esprits. Ils plaignent les faiblesses, ils critiquent les erreurs, mais toujours avec modération, sans fiel et sans animosité. Si l'on admet que les esprits vraiment bons ne peuvent vouloir que le bien et ne dire que de bonnes choses, on en conclura que tout ce qui, dans le langage des esprits, décèle un manque de bonté et de bienveillance, ce ne peut émaner d'un bon esprit. 265. L'intelligence est loin d'être un signe certain de supériorité, car l'intelligence et le moral ne marchent pas toujours de front. Un esprit peut être bon, bienveillant, et avoir des connaissances bornées, tandis qu'un esprit intelligent et instruit peut être très inférieur en moralité. On croit assez généralement qu'en interrogeant l'esprit d'un homme qui a été savant dans une spécialité sur la terre, on obtiendra plus sûrement la vérité. Cela est logique, et pourtant, ce n'est pas toujours vrai. L'expérience démontre que les savants, aussi bien que les autres hommes, ceux surtout qui ont quitté la terre depuis peu, sont encore sous l'empire des préjugés de la vie corporelle. Ils ne se défont pas immédiatement de l'esprit de système. Il peut donc se faire que, sous l'influence des idées qu'ils ont caressées de leur vivant et dont ils se sont fait un titre de gloire, ils voient moins clair que nous ne pensons. Nous ne donnons point ce principe comme une règle, tant s'en faut. Nous disons seulement que cela se voit et que par conséquent leur science humaine n'est pas toujours une preuve de leur infaillibilité comme esprit. 266. En soumettant toutes les communications à un examen scrupuleux, en scrutant et en analysant la pensée et les expressions comme on le fait quand il s'agit de juger un ouvrage littéraire, en rejetant, sans hésiter, tout ce qui pêche par la logique et le bon sens, tout ce qui dément le caractère de l'esprit qui est censé se manifester, on décourage les esprits trompeurs qui finissent par se retirer, une fois bien convaincus qu'ils ne peuvent nous abuser. Nous le répétons, ce moyen est le seul, mais il est infaillible, parce qu'il n'y a pas de mauvaise communication qui puisse résister à une critique rigoureuse. Les bons esprits ne s'en offensent jamais, puisque eux-mêmes le conseillent, et parce qu'ils n'ont rien à craindre de l'examen. Les mauvais seuls s'en formalisent et en dissuadent, parce qu'ils ont tout à perdre et par cela même prouvent ce qu'ils sont. Voici à ce sujet le conseil donné par Saint-Louis. Quelle que soit la confiance légitime que vous inspirent les esprits qui président à vos travaux, il est une recommandation que nous ne saurions trop répéter et que vous devriez toujours avoir présente à la pensée quand vous vous livrez à vos études. C'est de peser et de mûrir, c'est de soumettre au contrôle de la raison la plus sévère toutes les communications que vous recevez, de ne pas négliger, dès qu'un point vous paraît suspect, douteux ou obscur, de demander les explications nécessaires pour vous fixer.